Vous allez voir comme les gens sont méchants. Parce que moi, je vis avec ma sœur. Et notre seule joie avec ma sœur dans la vie, c'est la chorale de la paroisse. Les joyeux pince-nez du dimanche. Malheureusement, j'ai un ennemi, c'est Mademoiselle Lombec. Parce que c'est la responsable de la chorale dont je fais partie. Alors, elle est assez, voyez-vous, à la chorale, moi, je suis contrebasse. J'ai une très, très jolie voix de contrebasse, moi. Si, si, je... Taille la rousselette, par un coup de... Je suis contrebasse. Ma sœur est contralto. Et Mademoiselle Lombec, elle est contre moi. Vous allez voir comme les gens... Tiens, un fait entre mille. L'autre mercredi dernier, comme tous les premiers vendredis du mois, il y avait la grande réunion de la chorale avec toutes les huiles, toutes les personnalités, et d'un seul coup, Mademoiselle Lombec arrive, et on a eu un mot malheureux. Parce que nous, il y a eu un rayon de soleil dimanche dernier, on a eu, tiens, nous on retournerait bien là où nous étions l'année dernière, en vacances. Parce que nous, l'année dernière, avec ma sœur, on a été à Melun. Et pas tard, on est à Melun, on a passé des vacances extraordinaires. Les débuts, j'étais un peu malade, à cause du changement d'air. Moi, je suis assez déficient physiquement. Faut toujours que j'attrape quelque chose. C'est malheureux. Je peux pas foutre mon nez quelque part si j'attrape un fouteux. C'est vrai. Ah, heureusement que j'ai pas fait mon service militaire, c'est ça. On était à Melun. C'est vrai. J'attrape n'importe quoi. Une vache passe. Elle donne un coup de queue, ça fait un courant d'air, j'attrape un. Si j'attrape pas le rhume, j'attrape la queue sur la figure. Faut toujours que j'attrape quelque chose, quoi. Copain, c'était... Bref, à salut. Alors, bon, nous, on était chez Madame Boissement. Je sais pas si vous connaissez. 15 francs par jour, tout compris. L'année dernière, c'était 1300 francs. Mais cette année, avec les francs nouveaux, ça fait 15 francs. C'est encore plus avantageux qu'avant. Ah, on a de la chance de vivre en France, alors. Ça s'intitule « Comme chez soi ». Et vraiment, vraiment, on peut dire qu'on y est comme chez soi. On mange comme chez soi. On dort comme chez soi. Tout, tout, tout comme chez soi. On est tellement comme chez soi que des fois même, on se demande pourquoi qu'on vient là. Et puis, c'est pas cher. Pour 15 francs, le petit déjeuner, le coucher, le souper, tout compris, service compris. Quelle chance! Je vous donne l'adresse, des fois que vous vouliez y aller pour passer vos vacances. Vous serez bien... Quand vous arrivez à Melun, la première auberge à droite, ne vous trompez pas, la première, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Ça dépend, quand vous sortez, c'est à gauche. Quand vous sortez et que vous venez de New York, c'est quand vous venez de Paris. La première, il y a écrit « On peut apporter sans manger ». C'est là. N'apportez pas votre repas, c'est pas la peine. Vous serez très bien traité. Pour vous donner un aperçu, le dernier jour qu'on est parti, je me souviens du menu parce que je l'avais envoyé à la concierge. Parce que c'est en vacances, on sait jamais quoi écrire, alors je l'avais envoyé le menu. On a mangé le potage du sous-chef. Parce que le chef est en vacances. Ensuite, on a mangé... Qu'est-ce qu'on a donc mangé? C'était si bon. J'en ai pris deux fois, j'en ai emporté dans du papier. Le melon de Melun. Mais alors le beau melon, hein. C'est la belle tranche, bien présentée dans une feuille de chou chatalassienne. Du sucre en poudre avec une salière comme ça. Tant qu'on en voulait, ça tombait bien parce que c'était du melon qui supportait le sucre en poudre. L'estomac, il supportait moins, mais lui... Ensuite, on a mangé... les tripes de la patronne... comme à la maison. Et patin, comme dessert, on a eu un raisin et une figue. Alors ma soeur a pris le raisin et moi j'ai choisi la figue. Alors mademoiselle Lorraine, elle a trouvé hardi. Il s'agit qu'on aille passer nos vacances à Melun pour que ce ne soit pas bien le plaisir de critiquer.